Anaïs est bien trop bonne. Anaïs, mais Anaïs est tellement conne. Anaïs. Sa cochonne, Anaïs, partout même au téléphone, Anaïs, même pas besoin de claquer des sommes, Anaïs, elle se contente pas d'un somme, Anaïs. Anaïs, elle fait craquer tous les mômes. Anaïs, de Toulouse à Washington. Anaïs, de Thionville à Carcassonne. Anaïs.